Guyane Première présente. Point d'interrogation. Une émission présentée par Nicolas Pietrus. Qui en sera responsable? Qui en sera responsable? Pourquoi faire? Point d'interrogation. Madame, monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau, le premier de la semaine d'ailleurs, le premier numéro de Point d'interrogation. La science ou la Bible? Qui dit vrai? L'Église catholique rejette-t-elle la science? Les scientifiques sont-ils des croyants? Vaste question, vaste débat ce soir avec nos invités, Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de la Guyane, Olivier Marnette et Augustin Constantin, tous deux enseignants scientifiques en matière scientifique à l'Université de la Guyane. Si j'ai des bêtises, on va rectifier tout à l'heure. Nos auditeurs, on le rappelle, ont la parole. Stéphane Golitain est à la technique pour la réalisation de cette émission et Mélissa vous attend au 31 9000. Mais avant d'accueillir nos invités, Laurent Marot nous rappelle la problématique du jour. La Bible relate que l'univers a été créé en 7 jours. Les savants, eux, disent qu'il existe depuis des milliards d'années et que l'homme et la femme sont le fruit d'une évolution à partir des animaux supérieurs. Alors, qui a raison ? Pour les incroyants, la Bible raconte des histoires qui sont contraires aux découvertes scientifiques. Et beaucoup de croyants voudraient pouvoir donner toute leur confiance à la Bible. Une question qui fait débat depuis des lustres, car on n'arrive toujours pas à départager les deux parties. En fait, la science et la Bible ne s'opposent pas vraiment parce qu'elles ne répondent pas à la même question tout simplement. La science explique comment ça s'est passé et la Bible explique pourquoi ça s'est passé ainsi. Le débat continue ce soir dans Point d'interrogation. Voilà, après ces quelques explications signées Laurent Marot, le décor est planté, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est le moment pour nous d'accueillir nos invités.